fasse 10 ans que je sois descendu au soleil du midi. Donc, m'a demandé de faire quelque chose. Alors, je me présente Henri Portier, je suis prof d'histoire géo à APT. J'ai 50 ans. Anarchiste depuis, disons que j'avais pris contact au moment de la guerre d'Algérie. J'avais 20 ans, j'étais concerné, 62, la grève de Le Point. Et ça a été mon premier contact avec le mouvement libertaire. Alors j'ai fait la grève de la faim et de Le Point, mais je l'ai tenu qu'une journée, moi, hein, c'était symbolique. Par la suite, jeune normalien sortant, j'ai pris contact avec le mouvement Freinet. Et en même temps, je me suis aperçu que les mêmes étaient à l'école émancipée, tendance syndicale de la FEN, et que parmi eux, il y avait beaucoup de libertaires également. Je me suis intéressé beaucoup au cinéma, c'est-à-dire j'ai fait pas mal de films avec les enfants. Et puis, comme ça, en organisant il y a 3 ans une université d'été à APT sur l'audiovisuel, bien les anciens du mouvement, qu'on appelle les amis de Freinet, m'ont apporté toute une masse de documents des années 30. Et parmi ces documents, j'ai découvert quelque chose, c'est qu'un film avait été réalisé, payé par le mouvement Freinet, avait été réalisé par Yves Allégret en 1931, tout jeune réalisateur, c'était le deuxième truc qu'il faisait, son frère était plus connu. Parmi les acteurs, c'est la deuxième apparition à l'écran des frères Prévert, ils ont 25 30 ans. C'est bon, même si c'est en noir et blanc, c'est pas lui, non. Bon, non, laisse, c'est pas grave. De toute façon, l'impulsion est mauvaise. Alors, parmi ces acteurs, Marcel Duhamel, c'est celui de la série noire, également une petite gamine qui s'appelle Lily Masson, c'est la fille du peintre surréaliste Masson, et le preneur d'image était Élie Lothard, celui qui a travaillé avec Buñuel pour La Sourdesse. Alors ça m'a un petit peu intrigué, j'ai fait pas mal de recherches sur ces gens, et qu'est-ce que c'était que cette cinémathèque qui existait au sein du mouvement Freinet. Et en cherchant bien, on a découvert beaucoup de documents, en particulier que la coopérative d'édition du mouvement Freinet est née en 1927, et elle ne s'appelait pas la coopérative de l'enseignement laïque, mais la cinémathèque coopérative de l'enseignement laïque qui va fusionner avec un tas d'activités. Alors, j'ai commencé par rechercher des gens complètement oubliés, Freinet on connaît, mais un tas d'autres personnes, on ne les connaissait pas. Et je suis tombé sur un groupe de Girondins. Et en particulier, bon, j'ai fait ça surtout pour des copains, une petite brochure qui montre un peu l'historique de tout ça. Et que cette cinémathèque avait été fondée à Bordeaux par des gens qui s'appelaient Rémy, Odette Boyau, Jean Gors, Marguerite Bouscaru. Et, en cherchant bien, c'était tous des libertaires, anarcho-syndicalistes, des militants du mouvement syndical, et qui se trouvaient à la CGTU, Fédération Unitaire de l'Enseignement, et où il y avait plusieurs tendances. Dans ces tendances, il y avait la tendance, disons, majoritaire qu'on appelait la majorité fédérale, une tendance communiste qui s'appelle la MORE, Mouvement Oppositionnel Révolutionnaire, et une tendance anarcho-syndicaliste qui s'appelle la Ligue Syndicaliste, et participaient tous ces gens du mouvement Freinet. Or, Freinet, il est connu pour étant quelqu'un du Parti communiste. On a raconté beaucoup de choses. Alors, du coup, je suis devenu un petit peu l'historien de cette période de l'entre-deux-guerres, et j'ai découvert beaucoup de choses, y compris sur l'engagement de Freinet au PC, c'est-à-dire quand il y est entré, quand il y est parti, ce qu'il y a fait, et également la position de tous ses compagnons et les premiers. Et là, c'est absolument ahurissant. On peut dire que les trois quarts des premiers adhérents de l'imprimerie à l'école ou de la cinémathèque font tous partie du mouvement libertaire. Alors, on s'interroge là-dessus. Mais bien sûr, il y a des gens qui ont été discrets, qu'on connaît assez peu. Alors, notre boulot au sein de la commission d'histoire des Amis de Fresnes, c'est d'essayer de sortir des biographies, de voir qui étaient effectivement ces gens-là, et on s'aperçoit que ce sont des gens absolument fantastiques. Certains ont mal tourné, comme Maurice Vullas, peut-être une période de leur vie, mais on fait un tas de trucs. Alors, ces communications, toutes ces recherches, il y a eu un colloque à Bordeaux, un colloque international sur la pédagogie Fresnel, et on m'a demandé d'intervenir dans ce, pour faire une communication sur l'origine du mouvement pédagogique et le rôle qu'ont pu jouer les libertaires là-dedans. Alors ça en a surpris plus d'un, ça a foutu une thèse d'un prof de Bordeaux complètement en l'air. Il n'était pas très content, mais enfin moi ça m'est égal, ça ne me tenait pas du tout. Alors, si vous voulez, on va commencer. Bon, je voulais vous faire voir quand même des trucs en vidéo et également un enregistrement que j'ai fait. En faisant mes recherches, j'ai profité en allant à Bordeaux pour faire le dernier enregistrement de Jean Barruy. J'ai fait un enregistrement de près de 2 heures avec Jean Barruy, il est mort peu de temps après. Et il m'a parlé justement de, puisque c'était à Bordeaux l'origine de la Cinémathèque, de ces gens qu'il connaissait très bien, qui étaient ses amis, et de l'orientation qu'ils avaient. Et en particulier du fondateur de la CEL, qui s'appelle Rémy Boyau, et qui a été un très grand bonhomme. Alors, si vous voulez, à l'origine d'un mouvement pédagogique, des idées, des hommes et le cinématographe. Après l'hécatombe du premier conflit mondial, des personnes meurtries et blessées dans leur chair. Alors je rappelle que la plupart de ces gens-là ont été blessés à la guerre de 14-18, sauf celui que vous verrez tout à l'heure, qui est toujours vivant, il a 94 ans, qui est le premier correspondant de Fresnel. Rémy Boyau a été trépané, Fresnel a eu une balle dans a eu un éclat dans le poumon, Maurice Vullin, Maurice Vullin, celui a eu le cassé, jambe cassée, etc. Donc ce sont des gens qui étaient vraiment meurtris dans leur place. La faute, ils l'ont tout de suite vu, le nationalisme. Et tout de suite, ces gens-là se sont dressés contre le bourrage de crâne. Alors 1917, c'est aussi, bien sûr, la révolution. Alors, le Canard enchaîné, par exemple, né dans cette période, est le reflet de cette génération lucide. D'orientation libertaire, le Canard, hostile à toute autre forme de bourrage de crâne, il dénoncera sans relâche, par l'humour notamment, les pouvoirs en place. Mais aussi, pendant cette période, des mouvements culturels, comme le dadaïsme, comme le mouvement surréaliste, bien par la suite, qui vont rejoindre, à un moment, les syndicats et les partis et tous les autres mouvements culturels. Des écrivains, il y en a eu qui ont défini ça, Barbus, Romain Rolland, ont su refléter l'état d'esprit de ces combattants de 14-18, ainsi que leurs espérances. Alors, bien sûr, la jeune révolution bolchevique de 17 va susciter bien des espoirs, bien des fascinations sur les esprits avancés de cette époque-là. On sait que beaucoup de libertaires vont participer à la révolution russe, certains partiront très vite. Hein. Alors, des instituteurs, je dirais l'avant-garde, ont analysé et compris le rôle néfaste que leurs aînés avaient joué dans l'esprit revanchard, qui a préludé à la guerre, préparant à l'esprit guerrier de toute une population. Après 18, ils s'opposeront à cet état d'esprit, comme René Daniel à Quimper, que vous verrez tout à l'heure, contre l'érection d'un monument aux morts à l'école normale. Il va monter sur la table et il va dire non. Il va refuser que des gosses chantent la Marseillaise. Et ça va faire un scandale, hein, ce jour-là, en 1919. Et ses couplets tels que « Aux armes citoyens » et compagnie. Et dénonçant cette farce sanglante pour qu'elle ne recommence jamais plus. Pacifiste, oui, ils l'étaient tous. Ils étaient tous se répétant la phrase d'Anatole France, « On croit mourir pour la patrie et on meurt pour les industriels. » Face à l'école capitaliste, à l'école bourgeoise qui sert plutôt les intérêts du capitalisme, ils vont vouloir construire une école qu'ils vont baptiser l'école du prolétariat. C'est le sens de nombreux appels et articles que Fresnel va écrire, soit dans une revue qui s'appelle Clarté, qui est la revue des jeunes intellectuels communistes, disons fascinés par la révolution russe, communisante on pourrait dire, et l'école émancipée qui est la revue du syndicalisme enseignant. Alors, Il y a un bouquin qui est sorti il y a peu de temps, il y a 2 ans, sur l'histoire de l'école émancipée, une contre-culture de la belle époque. C'est-à-dire que ça se situe avant 14 et montrer que le syndicalisme enseignant a été fondé par des gens où il y a beaucoup de libertaires. La revue École émancipée a été fondée ici dans les Bouches-du-Rhône. Hein. Quelqu'un que certains ont peut-être connu, instituteur dans le Var, qui est mort il y a 2 ans, à 90 ans, qui s'appelait Honoré Alziari. Et Alziari a joué un très très grand rôle, aussi bien au mouvement Freinet qu'à l'intérieur du syndicalisme d'enseignants. Alors, si on relit, c'est un condensé de thèses. Alors, le fondateur de l'école émancipée, le voilà, il est mort en 1925, s'appelle Audouin. Ismaël Audouin. Il est parti avec toutes les archives ont disparu de cette époque-là. Mais les collaborateurs, il y en avait, les ans, Marie Guillot, etc., c'est-à-dire une frange importante et de libertaires connus. Je vous en donnerai d'autres. Les Cornec, dans le Finistère, c'est-à-dire les parents de l'avocat Cornec, hein, dans le Finistère, et qui ont fait une bagarre incroyable à cette époque-là. Alors d'autres également, les Bouettes, les Mailloux, dont le fils était au mouvement surréaliste, était inspecteur primaire, par la suite. Donc voilà quels étaient ces gens. Alors, il s'était intéressé bien sûr à l'enseignement, et certains, comme Paul Robin, anarchiste, avaient déjà tenté un certain nombre d'expériences. Également, il y en aura d'autres, c'est bien sûr l'expérience de Sébastien Faure et de Laruche, et bien sûr, tout le monde était au courant de ce qui s'était passé avec Francisco Ferrer, et la revue publiait régulièrement l'école rénovée de Francisco Ferrer dans ses pages, avec on voit un tas de collaborateurs, etc. Alors, après la guerre 14-18, eh bien, il y a eu ce vaste mouvement. Et Freinet, qui va être quand même le personnage clé de cette période, jeune instituteur, blessé, etc. Bon, tout le monde a pu voir, on espère, ça va repasser, je crois, bientôt à la télé, l'école buissonnière. C'est le film avec Bertrand Blier qui raconte de manière romancée la vie de Freinet. Il va essayer, il va rencontrer des gens. Bon, c'est un Provençal, Freinet. Premier poste à Bar-sur-Loup, et il voyage beaucoup. Il va aller, premier voyage qu'il fait, il va aller visiter les écoles libertaires de Hambourg, en 1923. Mais ça ne va pas trop le satisfaire. Il faut dire qu'en 1923, la révolution libertaire de Hambourg, elle en a pris un sacré coup déjà. Ensuite, il va aller en URSS. En 1925, une délégation d'enseignants part en URSS un mois. Et là, il va être avec un autre personnage qui s'appelle Maurice Zulens, qui va jouer un très grand rôle, qui a une revue qui s'appelle Les Humbles, qui est très lue par les instituteurs, et Freinet va faire un compte rendu très simple de son voyage. Il n'est pas enthousiasmé. Par contre, Maurice Zulens, qui est, lui, collaborateur au Libertaire, qui écrit dans la revue anarchiste depuis 1918-19, qui est au courant, et on les a ici au CIRA, les trucs, on a déjà sur la révolution russe les textes de Voline, Tarchinov, Alexandra Kollontai, qui dénonce ce qui se passe en URSS dès 1922-23. Zulens y va et il revient enthousiaste, il n'adhère pas lui jamais au parti communiste, son frère, il a un frère plus jeune qui lui est un art individualiste, et ils vont carrément se foutre sur la gueule au congrès de la CGTU en 1927, le congrès de Tours de 1927, vous savez, c'est en plein moment où il y aura les manifestations Sacco-Vozzetti, plein à ce moment-là, en particulier animé par le camp. Alors, bien sûr, Freinet et tous les gens qui veulent changer ça sont au courant, ils sont au courant de l'école de Ferrer, ils sont au courant de Paul Robin, ils sont au courant de l'école de Laruche, de Sébastien Faure. Mais ces gens-là ont envie, hein, vous voyez, ils arrivent, ils en veulent, ils ne veulent plus jamais cette école-là, plus jamais ça, et Freinet n'est pas le premier, c'est ce qu'on vient de découvrir. Freinet, le texte libre à l'imprimerie, c'est pas le premier. Le premier, vous allez le voir, du mouvement, je parle, de ceux qui vont s'appeler le mouvement Freiné après. Vous allez le voir, il est toujours vivant. Et c'est René Daniel qui, en 1921, avec 92 élèves dans sa classe, 92 dans une classe, les gosses avaient les bras croisés, deux par table, etc. Petite classe, on est allé visiter l'école. Expérimentera des textes libres et les reproduira, alors, vous savez, les moyens de reproduction sont minables quoi, à l'époque, avec de la gélatine, hein, un truc de rouleau à gélatine, etc. Oh, il raconte, il était crevé en sortant de là et tout. Après, il passera à la pyramide. Et puis, tous ces gens sont des syndicalistes révolutionnaires. Ils font partie tous de la CGTU et de la Fédération Unitaire de l'Enseignement, et vous savez, c'est la seule fédération qui ne sera jamais conquise par les staliniens. Et là, ils se retrouvent au congrès de la Fédération Unitaire, et puis à un moment, avant ou après le congrès, ils se retrouvent, et puis ils discutent des problèmes de pédagogie. Et l'un d'entre eux, je viens de le découvrir il y a 3 mois, il s'appelle Pierre Borde, dans le Lot-et-Garonne, sa femme est toujours vivante, à 86 ans, a fait ses courses en vélo, etc. À Agen, va inciter Freinet à utiliser l'imprimerie typographique. Et faire de la typo. Alors ils vont fabriquer des prêches, j'aurais pu vous l'amener, la première prêche, je l'ai. Ils vont fabriquer un tas de trucs et des textes comme ça, ils vont envoyer des petits trucs, des papiers, on démarre, il n'y a rien. Et c'est comme ça que va naître donc cette coopérative. Alors, chez ces révolutionnaires dans l'enseignement, à la recherche de vérité, il faut voir, ils ont tellement été bafoués, que vous savez qu'ils vont éditer un livre qui va être combattu, les gens vont être condamnés, c'est l'histoire de France revue et corrigée, c'est plus l'histoire de France de la LIF, mais c'est l'histoire de France éditée par la Fédération de l'enseignement. Alors ça n'a plus rien à voir, elle va être, mais les adultes, ils sont gonflés, ils vont l'utiliser. Et très tôt, vous voyez, ils vont être à la recherche de vérité, de modèles aussi, désirant transformer le monde, mais également changer la vie. Et le militantisme et l'engagement sont des choses naturelles chez eux, tant sur le plan syndical que politique et culturel. Deux modèles, ou plutôt deux projets de société, vont s'offrir à eux et déjà s'affronter. Modèle que nous retrouverons encore en 1968 d'ailleurs, et encore aujourd'hui. L'un de type bolchevique, marxiste-léniniste, centraliste, étatiste, où l'individu n'est que peu de choses par rapport à la société, et l'autre de type libertaire, proudhonien, coopératif et anti-autoritaire, où l'individu reste au centre de la problématique sociale. Alors, ces premiers adhérents, donc tous adhérents de la Fédération Unitaire, sont opposés aux réformistes, je disais, qui sont à la CGT, et qui sont le plus grand nombre, hein, c'est plus des 3/4 qui sont réformistes. Et ces gens-là vont vouloir lutter contre le pouvoir, le chauvinisme, et le cinématographe est un des supports les plus attirants et les plus distrayants de la connaissance. Aussi, quelques instituteurs d'avant-garde ont vite compris tout le parti qu'ils pouvaient en tirer comme moyen d'investigation du champ immense de la connaissance, afin de le mettre à la portée des enfants, mais aussi comme moyen didactique. Alors Freinet, dès 1927, il va présenter à un congrès un petit film qu'il a fait où il montre ses élèves qui font de l'imprimerie. Petit film qu'il va présenter avec ça. Voilà, il a apporté, c'est le premier projecteur de cinéma, familial. Alors ça s'appelle le Pâté Babi, petit, 9-5, une image avec un trou au milieu entre chaque image. C'est un des avantages, c'est quand ça déchire. Mais toute la pellicule, vous voyez, est utilisée. Bon, bien sûr, c'est le cinéma muet. Et là, la société Pâté avait fait beaucoup de petits films, documentaires, etc., qu'ils vendaient. Et bon, là, j'ai un des premiers, Félix de Chat, de Pat Sullivan. Félix de Chat connaît le remords. Bon, c'est les premiers dessins animés en noir et blanc. Et alors, ils vont utiliser ça. Alors ça s'enclenche, hein, aussi vite, c'est moins emmerdant que le magnéto, hein, je peux vous dire, vous l'enclenchez. Alors, il n'y a pas d'électricité dans les écoles. La plupart des écoles en campagne n'ont pas d'électricité, alors il y a une magnéto. Une magnéto et deux manivelles comme ça, et on projetait. Alors on projette, imaginez, des enfants qui n'ont jamais vu le cinéma. On en parlait vais rire tout à l'heure sur un tas de petits trucs. Alors voilà, ça vaut assez cher, hein. Un engin comme ça, à l'époque, pour une paye d'instituteur, c'est bonbon. Alors, louer des films et tout ça, c'était aussi... ça coûtait assez cher. Alors, très très vite, un groupe d'instituteurs de la Gironde va organiser une cinémathèque coopérative. En 1927, ils vont la faire. Alors, j'ai retrouvé l'acte de création de la cinémathèque en 1927. L'année suivante, bon, il y avait l'imprimerie, il y avait d'autres activités. Eh bien, il faut être fort, ils ont besoin d'argent, ils sont pauvres, ces gens-là. Ils sont pauvres. Une paye d'instituteur, c'est pas grand, hein, après. Et ils vont se cotiser, et puis ils vont essayer de faire des bénéfices. Alors, premièrement, ils vont dire à la société Pathé, bon, si on vous en achète 100, combien vous faites de remise? Alors, ils feront 5% de remise, garderont 5% pour eux, ils vont acheter des films, les louer, et c'est un truc qui va marcher. Ça va être, pour ceux qui sont enseignants, l'équivalent de la CANIF de l'audiovisuel, de l'époque. Mais c'est toujours dans le cadre de, je le dis bien, du syndicalisme. C'est une activité du syndicalisme. Donc, alors ça démarre, et puis, bon, je vais abréger un peu. Bien sûr, le cinéma, il est né déjà. On connaît, mais on connaît le cinéma, vous savez, en grande bobine, en 35 et tout ça, et les amateurs, c'est des... ne sont pas pris en considération. Et puis, il faut voir les premières caméras, bon, ça ne marchait pas les trois quarts du temps. Hein. Alors, bien sûr, l'image n'est pas neutre. Et beaucoup de personnes ont vite saisi l'importance du rôle politique que joue le cinéma. En plus de son aspect spectaculaire, récréatif, il y a aussi des dimensions pédagogiques et documentaires. Au sens d'éveil des consciences et ouverture aux horizons de la connaissance. Mais aussi, le cinéma est un formidable moyen de propagande pour les activités ou les idéologies les plus diverses. Et d'ailleurs, l'État, l'armée, l'Église, les trois piliers de la société, ont été les premiers à maîtriser et à contrôler par la censure cet outil nouveau. D'autres ont déjà tenté de l'utiliser pour combattre les idéologies dominantes. Et ça, c'est un truc que j'ai découvert en relation avec un copain libertaire qui s'est occupé de la rubrique cinéma du Libertaire dans les années 50, Philippe Hénaud. Il m'a dit, voilà, Sébastien Faure, animateur donc de l'expérience de la ruche qui durera, vous savez, de 1904 à 1917, avec un groupe d'anarchistes fonderont une coopérative en 1912-1913, une coopérative ouvrière de production de films destinée à montrer... la misère ouvrière. Alors, on sait les titres, mais les films ont disparu. Le journal d'une ouvrière en chambre, etc., etc. Alors, bien sûr, dans sa lutte pour instaurer la laïcité dans l'enseignement, c'est l'Église qui a su très tôt utiliser le cinéma dans les villes et dans les campagnes. Vous savez que ce sont les curés qui vont introduire le cinéma dans les villes et les campagnes. Ils vont organiser des patronages et ils passent des films, ça attire un tas de gens. Et c'est un moyen de propagande formidable pour eux. Or, on se trouve sous la Troisième République est une République qui est anticléricale, avec les radicaux socialistes, avec les francs-maçons, Édouard Herriot par exemple. Ils vont favoriser la naissance d'associations cinéphiles destinées à promouvoir le cinéma dans l'enseignement, et relayées par les premiers, aujourd'hui on les appelle les fédérations des œuvres laïques. Fédérations des œuvres laïques. Et à l'époque, on les appelait les comités départementaux de défense laïque. C'est-à-dire que moi, je suis breton, je peux vous dire que c'était la bagarre. Hein. En 24, l'UFOCEL, qui deviendra l'UFODI, s'est créé, etc. 25, Cinémathèque de l'enseignement, par RIO. 27, création par les instituteurs eux-mêmes de cette coopérative, à l'instigation donc de Rémy Boyau et de Célestin Freinet. Et même à partir de 28, l'État va subventionner l'achat par les instituteurs de ces petites machines. Alors voilà un peu l'histoire de cette coopérative, cinémathèque, etc. Alors, 1930-1931, ça va être le point charnière. Freinet, donc, vous a dit... arrive au Parti communiste en 1920. Il n'était pas chaud pour y aller, on le sait. Quelqu'un qui n'était pas prêt à s'engager, mais il est fasciné, comme beaucoup de gens de son époque, par la... Il est fasciné par l'image de la révolution russe. Et il est allé là-bas, il a vu des choses qui ne lui ont pas plu, mais il a vu des choses qui étaient formidables aussi. Et dans cette époque de 25. Alors, quand il revient, il est un peu touché par tout ça, et en 1926, il a 30 ans. Vous voyez, ce sont des gens jeunes, hein, 30 ans. Il épouse Élise Lagier-Bruno, qui a 28 ans, qui est inscrite également dans les Hautes-Alpes. Et elle, elle est enthousiaste pour la révolution russe. C'est un peu sa fille du musée, le romantisme révolutionnaire. Et ils adhèrent au Parti communiste en 1926. On a pu le retrouver, non pas au PC, parce que pour avoir, vous savez, pour avoir accès aux documents du PC, c'est pas de la tarte. On l'a eu par une lettre de Maurice de Mangeais, un instituteur qui a fait beaucoup de choses, qui était très proche des libertaires, et qui a donné la date d'adhésion de Freinet en décembre 26 au Parti communiste. Un des premiers adhérents du mouvement, c'est Virgile Barrel. Ça vous dit rien, Virgile Barrel? C'était le député communiste des Alpes-Maritimes, il restera toujours au PC et il finira doyen de l'Assemblée nationale. C'est lui qui faisait les ouvertures de là, après il a été remplacé par Marcel Dassault. Virgile Barrel, qui était un des premiers aussi syndicalistes révolutionnaires, Maurice de Mangeais, etc., un tas d'autres. Alors, dès 27, donc, Freinet est responsable syndical. Et c'est à ce titre qu'il vient aux différents congrès, qu'il rencontre d'autres gens, qu'il soulève les problèmes pédagogiques. Et il revient, il va militer avec les associations paysannes de Vence, de Saint-Paul-de-Vence. Et malgré les discussions avec d'autres adhérents de la CEL, dont certains ont fait un court séjour au PC, il y en a eu beaucoup, comme Raoul Faure de l'Isère. Alors je disais que je fais voir à quelques camarades tout à l'heure, Raoul Faure, communiste libertaire. C'est lui qui a accueilli Trotsky en France en 1934-1935, en ligne. Autrement dit, c'est un anarchiste qui a accueilli Trotsky et l'a gardé. Attention, Trotsky était recherché par la police à ce moment-là, pendant un bout de temps. Alors ça veut dire, oui, que on n'est pas si sectaire que ça dans le mouvement anarchiste. Sa controverse aussi avec Maurice Vullins lors des procès de Moscou en 1936. Alors Maurice Vullins, avec sa revue, est un ami de Victor Serge, c'est un des premiers du mouvement aussi, et c'est lui qui fera toute la campagne pour faire revenir Victor Serge, qui est en goulag, en Russie. Et ils y arriveront. Malgré ces désillusions de Freinet, lors du Front Populaire, on ne tient absolument pas compte du mouvement de l'école moderne. Le PC a d'autres chats à fouetter. Eh bien, il reste toujours au PC. Il pense que c'est le seul groupe politique, mais aussi avec le syndicat, qui peut promouvoir une pédagogie différente. À la Libération, toujours adhérent au PCF, on sait qu'il a été interné pendant la guerre, relâché. Puis il participera, il fait partie du comité de la résistance des Hautes-Alpes à Gap. Alors il videra le séminaire pour accueillir des gosses, des mômes qui étaient des orphelins, etc. Auparavant, Freinet, pour parler de son histoire, c'est en 1932, on sort la première bibliothèque de travail, c'est une petite brochure destinée aux enfants. On sort une nouvelle revue qui s'appelle L'éducateur prolétarien. On sort le premier film, alors c'est le fameux film Le prix et profit, qui est l'histoire de la pomme de terre, du producteur au consommateur, en gros, et qui voit comment les gens s'en foutent plein les poches, les intermédiaires. Et évidemment, les intermédiaires, vous avez tous compris, les fers très verts, jouer les intermédiaires. Ça, ils ne pouvaient pas se louper ce genre de gag, quoi. Et ce film a été interdit. Et le groupe Octobre, par la suite, Frères Très Verts et tout, s'est servi de ce film, donc, qu'on avait financé. Alors, c'en est trop pour la droite, des gens comme Lucien Robatet, François Vineuil, des gens comme Maurras vont lancer toute une action à Saint-Paul-de-Vence, où est Freinet, Une campagne qui va être terrible, puisque Freinet va être... vous savez qu'il y a eu des coups de pistolet, etc. Ça a été terrible, et il va être vidé de l'enseignement. Et à la suite de ça, il va fonder son école, c'est-à-dire on voulait le déplacer d'office, etc. Il n'était pas révoqué, mais déplacé d'office. Il ne l'a pas accepté. Il va fonder une école, qui est une école laboratoire, à Vence. Et je vous ferai voir tout à l'heure, c'est le premier film, on l'a retrouvé pas longtemps, alors je l'ai fait mettre en vidéo, c'est le premier film sur l'école Freinet de Vence. Alors quand vous voyez aujourd'hui Vence, l'immobilier qui a tout envahi, ce film date de 1937. Et on y voit l'arrivée, c'est en pleine guerre d'Espagne, et vous savez que le mouvement Freinet va être en liaison avec un personnage assez extraordinaire, qui est inspecteur primaire en Espagne, et qui s'appelle Almendros. Et Almendros va lancer toute la coopérative l'imprimerie à l'école en Catalogne, avec un tas de gens, d'anarchistes espagnols, mais aussi de socialistes et tout. Et le programme, ils vont respecter le programme qui a été vite bâclé, il faudrait le dire, réalisé par la CNT espagnole sur l'alphabétisation. C'est Federica Montseny qui me l'a avoué que bon, il n'y avait pas beaucoup d'instituteurs au mouvement à la CNT à l'époque, pas assez. Et donc, mais vous voyez, ils ont travaillé de concert. Suite à la guerre, bon, ben, il y a beaucoup de gosses qui étaient sous les bombardements, et l'école Freinet de Vence va accueillir des immigrés espagnols, qu'ils soient socialistes, communistes et même anarchistes, enfants d'anarchistes, individualistes, qui seront accueillis à l'école Freinet de Vence. Et qui va payer tout ça? Ben, c'est l'ensemble du mouvement Freinet qui soutiendra financièrement tout ça. Et des gens, des instituteurs, il y a Pagès à Perpignan, etc., qui vont adopter des gosses. Et, ici, à Ville-Laure, il y en aura d'autres aussi, il est toujours vivant, ils vont adopter des petits Espagnols, certains vont rentrer chez eux après, et d'autres vont rester. Alors, après donc cette période, à la Libération, toujours adhérent du PCF, donc, il se fera reprocher par le parti un livre, moi j'avoue, j'aime beaucoup non plus, « Conseil aux parents », qu'il a écrit pendant la guerre, d'ailleurs Gaston Leval va l'aligner aussi là, sur ce livre-là. Il militera dans une cellule de Cannes, résistant aux pressions de plus en plus précises de contrôle par les staliniens de la CEL. Parce que cette coopérative, qui a été fondée par les libertaires, à Bordeaux, vous allez entendre Jean Barbet tout à l'heure qui en parle, jusqu'en 1940, le siège est à Bordeaux, géré par Boyau, Corse, Caps, etc., qui sont à l'âge. Et en tout est après la guerre, tout change, et Freinet va tout rapatrier sur Cannes, enfin avec l'accord de tout le monde. Hein. Le siège va se trouver à Cannes, et il va y avoir une entreprise d'édition. Et on a su que il va un petit peu copier ce qu'avait fait Francisco Ferrer. Vous savez que Ferrer avait tout de suite monté une maison d'édition pour éditer des brochures pour l'école rénovée. Et cette entreprise marche bien. Et c'est une entreprise avec énormément d'ouvriers. Et là, il faut voir, à la Libération, Freinet a cru que le parti allait, son parti en quelque sorte, allait le soutenir dans ce mouvement d'école moderne. Et pas du tout. Le parti a choisi le plan Vallon. Le plan Vallon et non pas la pédagogie Freinet. Et Freinet est écœuré. Donc, 48, il ne reprend plus sa carte. Sa femme non plus. Il y a longtemps qu'il ne l'aurait pas pris, on le sait, si Élise, sa femme, lui avait dit « Mais s'il reste, etc. » Alors, en 48, il se barre il ne reprend pas sa carte. Il ne donne pas de directive. Hein. Oui, faites ce que vous voulez. Moi, j'attends que le PC s'explique sur pourquoi il ne me soutient pas. Mais alors, il y a un tas de choses qui se passent à ce moment-là. On est en plein tournage du film de l'école buissonnière, qui est un film sur la vie de Freinet, avec acteur Bernard Blier, qui fait le rôle de Freinet, et le film est réalisé par Jean-Paul Le Chanois. Jean-Paul Le Chanois est communiste. La coopérative de films qui s'en occupe est gérée par le PC. Or, on entre en conflit, le film est presque terminé. Alors il va y avoir une bagarre. qui va aller presque jusqu'en procès, parce que le PC va retirer le nom de Freinet, etc. Toute allusion au mouvement d'école moderne, ce serait l'avis d'un instituteur, mais sans le désigner. Alors, le film sort quand même, après modification, et c'est un succès populaire extraordinaire. Alors, en 1949, en même temps, paraît naissance d'une pédagogie populaire d'Élise Freinet. Élise écrit l'histoire du mouvement. Aucune allusion au Parti communiste. C'est clair, c'est net. Aucune allusion au PC. Ça veut dire qu'il ne revendique aucune paternité, rien du PC. C'est la bagarre. Les rapports PC et Freinet vont aller en se dégradant, car le Parti communiste ne peut tolérer, en cette période de l'après-guerre, bon, il y a pas mal d'anciens ici qui savent ce que c'était, de ne pas contrôler un mouvement pédagogique en expansion. De même que bien d'autres organisations ou associations en France, le PC prend partout la ragonnerie, elle fuit partout chez les intellectuels. Alors, il est alors urgent pour le PC d'abattre, et je prends des termes qui ont été cités, le renégat, l'anarchiste utopique, le gauchiste, le spontanéiste Freinet. Voilà les termes employés par le PC. Et les intellectuels de service, que j'appelle les intellectuels de sévice, s'appellent Snyders, Garaudy, Cogniot, vont alors lancer une opération de grande envergure dès 1950 dans leur revue L'École et la Nation et La Nouvelle Critique, surtout, qui est la revue des intellectuels du parti, relayée par bon nombre d'organismes de presse syndicaux et politiques sous leur contrôle. Les articles feront tout pour déstabiliser Freinet, non seulement auprès de l'ensemble du corps enseignant, mais surtout auprès des membres du PCF adhérents de la CEL. Et il y en a beaucoup ici, dans les Bouches-du-Rhône, il y en a beaucoup. Barat, etc., il y en a plein. Il y a eu Paulette 40 aussi, qui est toujours qui aussi prendra part à cette bagarre. Alors, la relecture aujourd'hui de ces articles montre la pauvreté et la bassesse de leur argumentation. Quant aux méthodes de libre débat utilisées, elles sont significatives. Freinet ne va pas vouloir répondre. Mais Élise, elle écrit beaucoup mieux que Freinet. Paf, elle envoie une réponse, mais alors soignée. Alors, ça va être publié, mais tronqué, petit morceau. Alors, les années de congrès de la CEL jusqu'en 1954 verront des affrontements constants pour le contrôle du mouvement, le PCF utilisant là les techniques bien rodées de l'activité fractionnelle. Beaucoup de compagnons de route de Freinet préféreront faire le choix de leur parti. D'autres, par contre, choisiront le mouvement. Il vient de mourir, là, Roger l'Allemand, etc., choisiront, eux, de rester au mouvement. L'entreprise elle-même de la CEL, à Cannes, sera mise en danger, du fait de tentatives de sabotage par des ouvriers communistes en son sein. Donc, et tous les moyens sont bons dans ces années 50. C'est terrible, la bagarre, quand les anciens le disent. De nombreux appels seront lancés dès 1954. Pour soutenir Freinet et la CEL de la part des organisations libertaires. Et ça, c'est important. À savoir que les anars, les libertaires en général, se retrouvent dans le mouvement Freinet. Parce que sa méthode de fonctionnement, elle est horizontale. Il n'y a pas de bureaucratie. Il n'y en a pas. Les décisions sont prises à l'Assemblée Générale, etc. Et il y a la démocratie. Alors, de l'école émancipée aussi, et de personnalités éminentes de l'éducation. Le mouvement de l'école moderne, bon, survivra à cette tempête avec des hauts et des bas, et bien sûr, après la mort de Freinet en 1966, il y aura quand même des difficultés importantes dans le mouvement. Quand on voit où on est réduit ceux qui l'attaquaient, je rappellerai Garaudy, ce qui est devenu Garaudy depuis, l'islamiste, ça que je lui reproche, mais qui a bu à pas mal d'eau, c'est important. Alors, le rôle de ces libertaires, je voudrais terminer, si vous voulez, par ça, je suis pas trop long. Non, ça va. Ça va. Le rôle des libertaires, eh bien, qui était ce personnage de Boyau? Rémi Boyau, moi, c'est quelqu'un que j'ai découvert, je ne connaissais pas du tout. Personnage extrêmement discret, mais terriblement efficace. Je me suis demandé pourquoi. Et pourquoi? Ben, c'est aussi parce qu'il était franc-maçon. Franc-maçon du droit humain. Et il en sera un des grands responsables et écrira d'ailleurs l'histoire de la franc-maçonnerie. Personnage qui va être, dès 1933, va être attaquée dans son école la même chose que pour Freinet. C'est-à-dire que les journaux d'extrême droite l'attaquent. Alors, pour vous donner une idée de ce qu'étaient les années 30, 32 à 34 en France, c'est pratiquement la guerre civile. Et ces instituteurs, et non, ils sont, c'est pas des dégonflés. Hein. Le petit père Daniel, que vous allez voir tout à l'heure, donc, une majorité de libertaires furent les premiers collaborateurs. Out, Maurice Vulins, Alziari, Faure, les Cornec étaient libertaires. René Daniel, Borde, le groupe, tout le groupe girondin de la CEL y participait. Confirmation par Jean Barruet, 87 ans, je vais vous faire écouter ce qu'il dit tout à l'heure. René Daniel m'a dit, ah, nous vivions dangereusement une époque dangereuse. Vous savez qu'il y avait des publications de l'extrême droite qui citaient nommément les instituteurs, leurs postes, et en disant, quand on va faire comme en Italie ou en Allemagne, ceux-là, on va les foutre au poteau. C'était la Ligue des Patriotes, etc., tous ces articles-là. Eh bien, en Bretagne, et en Bretagne, c'est pas encore réglé, à l'époque, c'est épouvantable la bagarre qu'il peut y avoir dans les écoles. René Daniel me disait, nous vivions dangereusement une époque dangereuse, mais nous ne nous contentions pas de nous défendre, nous attaquions. En tant que secrétaire de la Fédération Unitaire de l'Enseignement, dans le Finistère, voilà ce qu'il faisait passer en 1933. Un tract de la Libre Pensée publié dans le bulletin syndical. Je vais vous le lire parce que ça vaut le coup. Qu'est-ce que l'Église ? L'Église est une vaste entreprise d'exploitation publique ayant pour but, moyennant finance, d'assurer ses membres participant contre les risques de l'enfer. 2. Sous quelle raison sociale cette entreprise est-elle établie ? Sous la raison sociale Mysterium Mysticationes Quibus et compagnie, ce qui veut dire, pour ceux qui ne connaissent pas le latin, verse toujours à la caisse, après on verra. 3. Comment opère cette société financière ? Sans payer patente, elle vend des messes, des bénédictions, des amulettes, donne des représentations, fait des quêtes, ouvre des troncs et des souscriptions, s'occupe de médecine, de sorcellerie, de journalisme, d'occultisme, de politique et prélève sur ses sociétaires une contribution appelée le denier du culte. Sortir ça, je peux vous dire, dans le Finistère, en 1933, il fallait être gonflé. Avec les cornettes et tout ça. Hein. Ben évidemment, il se fait attaquer par l'évêque de Quimper. Daniel est condamné à 10 000 francs de dommages et intérêts. Alors il fait appel et 34, ben, coup de peau, il s'en sort. Vous voyez la bagarre de ces gens-là. Et c'était ça, tous les gens du mouvement Freinet, dans l'entre-deux-guerres, étaient ce genre de bonhomme. Ce genre de bonhomme qui n'avait pas toujours tous les mêmes idées, mais qui voulaient véritablement se battre contre la société. Et la majorité d'entre eux, c'est ce que j'ai découvert, donc appartenaient à la Ligue syndicaliste et étaient des libertaires. Alors Boyot, un petit truc, bon, on va saluer un peu, et surtout sa femme, qui a joué un grand rôle, puisque c'est elle qui préside le congrès. Alors voilà, une photo qui m'a été remise par les francs-maçons. La photo des Boyaux, Odette et Rémi Boyaux, en grande tenue de grand maître de la franc-maçonnerie, du droit humain. Le droit humain, je rappelle, c'est l'obédience la première qui a accepté les femmes en son sein, et c'est aussi, elle est aussi la première à avoir été internationale. C'était la loge de Franz Kofferer et de Louise Michel. C'était, enfin, l'obédience, pardon. Bon, d'autres libertaires seront à d'autres obédiences. Hein. Alors, ce personnage de Boyau est assez chouette de par sa bagarre, quoi, si vous voulez. En plus, il sera résistant. Et démissionné d'office en 1941, accueillera les Espagnols, a fait un tas de trucs à Bordeaux, ami d'Aristide Lapeyre, finira ses jours, d'ailleurs après la mort de sa femme, qui l'a beaucoup marqué, chez la mère de Marc Trezeguet. à Langon. Alors il a écrit un bouquin qui s'appelle l'histoire de la fédération du droit humain. Et moi je l'ai lu, on me l'a offert, parce que les francs-maçons eux-mêmes à Bordeaux, avec Boyau, personnage discret, je ne sais plus ce qu'il avait fait. Et il a planqué tellement bien ses archives qu'on ne sait plus où elles sont. Alors voilà ce qu'il écrivait à propos de sa femme. Il ne cite jamais le mouvement Freinet. Et pour vous donner une idée de ce que ces gens qui étaient, vous voyez, les fondateurs de la CEL étaient, c'est, il parle de sa femme, au moment de sa mort. Odette Boyau était, comme nous l'avons déjà noté, profondément liée avec Marguerite Martin, qui comptait beaucoup sur elle pour prendre la relève. C'est que les deux femmes avaient beaucoup de points communs. Toutes deux étaient issues de milieux bourgeois et avaient sacrifié de gaieté de cœur une vie sinon dorée, du moins ouatée, pour en faire don aux humbles et aux opprimés. Toutes deux avaient la même haine de la guerre, une égale aversion à l'égal des dogmes stérilisants. Toutes deux étaient des éducatrices qui s'étaient penchées avec une égale sollicitude sur l'enfance et sur l'adolescence populaire. Et la plus jeune, c'est-à-dire Odette Boyau, avait été précisément une de ces continuatrices de Francisco Ferrer, apôtre de l'éducation active, auquel l'aîné faisait allusion en parlant de ses maîtres à penser. L'une et l'autre avaient été les militantes...